Retournons en arrière et écoutez les instants classiques d'Assemblage Rocky. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Rocky pour la semaine du 4 février 2013. Pas besoin de choisir entre Beatles et T-Bird, tu peux prendre les deux si tu veux. Oui, pour apporter. Pas T-Bone, T-Bird. Ah, oh, excuse-moi. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Toujours avec Mathieu Plante. Cha-cha-cha. Bonneau. Pla-pla-pla. Plante. Plante. Plante. Plante-moi un arbre. Ah, oh, voilà. Ah, on pourrait appeler Charbie. Charbie Moreau. Oui, on pourrait. Ou pas. Ou pas. We are wolves. Faisons ça. Ah, où? Ah, où? C'est à cause de la crinière. Oh. Mm-hmm. Un petit museau mouillé. Mais oui, ce qui est drôle, c'est que j'avais vraiment le petit museau mouillé. T'as le mouché par la pause. Oui, calme. Ah, ben oui. Ah, tu vois, moi, mes blagues sont basées dans la réalité. Hein. Oui. C'est comme ça que l'humour naît dans ma tête. Oui, naît pas dans ma tête, en fait. Pas. Elle n'a pas ça, fait. Oui. Drôle. Ça. Bon, moi, tu m'as pas dit, va faire ta toilette. Puis là, je me suis pas mis à moucher les bras et autres. Autres endroits. Autres endroits. On va que les loups. Non. Jean-Philippe Charbonneau, dernière minute, Charbonneau. Eh oui, mais ben timé, hein, t'as-tu vu ça? T'es de même, t'es sur le piton. Ouais. Va falloir faire attention pour ne pas s'endormir sur le piton, tu sais, comme on dit. En n'entend pas ça à la Switch, comme puis, j'ai perdu d'ailleurs mon piton. Mon piton, ça a l'air sexuel à la mort, ça, d'attendre un peu, là. Ouais, non, mais. Tu t'es fait péter le piton? Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Vous partez dans des trash ce matin. C'est Fanny Paradis. Oui, bon matin. Ça commence bien. Hein? Mais oui, super. La rédactrice en chef, la rédactrice en chef. On a tellement de différentes façons de le dire. Prédatrice en chef, décoratrice en chef, dictatrice en chef. On ne sait plus où donner de la tête. Ben, coudonc. Elle va faire des bijoux avec les sous noirs. Je pense qu'elle a ramassé comme 120 000, là, quelque chose comme ça. Wow. C'est vraiment une quantité assez astronomique. Là. Ben, en tout cas, ça arrive en même temps que les REER. Moi, je trouve ça un petit peu louche. C'est là. Il y a quelque chose derrière. Oui. Inconfortable, hein? Ouais. Parce qu'on va être nombreux. On va avoir bien du fun. Ouh. À se péter à la scène. Ça fait trop de seul, OK? Ouais, parle pour toi, là. Moto-pété. Interpine et autopine. Toto-fils. Autopédéraste. Oh! Oh! Toujours aussi avec Stéphanie Paradis et Annabelle Maton. Salut! Ah, oh, merci de m'accompagner. Attends. Yar. Je pensais avoir un petit peu de charisme, si ça se dit. Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Je sais pas, genre, salut les requins, mettons. Salut les requins, mettons. Parenthèse, on doit dire au revoir à Jean-Philippe, j'ai oublié de le faire tantôt. Merci Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Oh, salut. Jean-Philippe. Oh, wow. Je veux t'apprendre, Jean-Philippe, je sais pas si tu savais, aujourd'hui marque la deuxième moitié de notre 5 semaines de coordination ensemble. Exactement. Ah. On débute la deuxième moitié. Fait que demain, on fait ça avec des ballons. Oui, c'est ça. Des ballons. Ça tombe bien, je suis pas là. Hey. On fait ça mercredi prochain. Ouais. On fait ouais. Mercredi prochain. OK, merci Jean-Philippe. OK, bye. Au revoir. Salut, là. Ça fait vraiment 3D. Salut. Bye. Salut. Beaucoup trop tard pour enfin souhaiter bonne fête à ma copine Marie-Ève, que j'ai pas fait depuis le début de l'émission, parce qu'on avait trop d'affaires à faire, puis j'ai pas pensé. Cheap. Mais elle va pouvoir l'écouter en rediffusion. Bonne fête, Marie-Ève. Ben oui, bonne fête, fanfare. Des ballons, des clous. Ah oui, on va chanter. Joyeux anniversaire, Marie-Ève. Joyeux anniversaire, Marie-Ève. Joyeux anniversaire, Marie-Ève. Joyeux anniversaire. Ballon, des pipes. Ding, ding. Fais du triangle, ding, ding. Hurrah. Ça, c'est des petits gens de... Ouais, les flûtes de crasse. Maracas. Le triangle, tant qu'à faire. Ding, ding, ding, ding. La petite cuillère. Non? Flûte à bec. Salière poivrière. Oh my god. Chance que ta blonde t'aime comme t'es. Elle dit, là, niaise-moi pas, péris pas de moi en onde. Puis là, elle dit, là, dis pas que j'ai dit qu'il fallait pas que tu niaises en onde. Fait que là, je fais. Bon, c'est ça. Fait que t'as même dit la. Tu sais, t'as même dit la recommandation de. Franchement, Mathieu. Bon, on va complimenter comme ça. Elle a tellement des beaux cheveux. C'est cool, hein. Oh, moi, je capote sur ses cheveux, là. Quelle magnifique petite blonde. Ouais. ce jeudi matin, 7h09. Ben oui. Ben oui. T'allais-tu te tromper? On est déjà. Oui, j'allais dire mercredi. Je sais pas, la semaine passe vite aujourd'hui. C'est... Cette semaine. Juste matin, là, c'est comme. Pouf! Tout à coup, on est jeudi. Magie, oui! Kick Sexy Time, c'est évidemment la chronique où on parle de sexualité. C'est pour un public averti, mais pas trop. Ouais. Ça se mange quand même bien. Ça se mange quand même. Ça s'écoute quand même bien en mangeant des céréales. Tout à fait, ben. Ça se mange quand même bien, hein. Voilà. C'est fait, c'est dit. Hey, c'est beau. Mais la lavande fake, c'est le parfum à la lavande. Ouais. La lavande. Ça, c'est vraiment. C'est ça qui est pas bon, c'est l'odeur de fausse lavande. Apparemment que la vraie lavande. Je sais pas. C'est un petit quelque chose. Mais je sais pas où m'en procurer, je sais pas où lavande. Plusieurs jeunes femmes de l'Ouganda. Ouganda. appliquent un mélange d'herbes à leurs lèvres d'en bas pour essayer de les allonger. Jusqu'à ce que les lèvres dépassent le mètre. Le mètre. Oui, c'est ça. La longueur. J'ai même pas prévu ça, c'était dans ma tête. Mais ça vient de mètre. Paquet. Chose. Est-ce que tu postillonnes dans ton micro? Peut-être. Une chose qu'on a des mousses, hein, parce que sinon, moi puis le postillonnage, hein, ça absorbe. C'est ça. C'est comme François Mascotte. Ah, hey. Il crache dessus, puis... C'est trop vu, là. Non, mais il est rendu là. C'est triste. On s'entend que la seule bonne, c'était les lèvres dépassent le mètre. Ça, c'était bon. Ah, moi, la lavande, j'ai trouvé très cocasse. Bon, Maxime Tanguay, je sais pas, il m'en a jamais parlé. J'imagine que les jeux de mots pour Maxime Tanguay, c'est pas mal la dernière classe de blagues et d'humour que tu peux avoir dans la vie. Hein. C'est comme le plus en bas de l'échelle. Hein. Mais ça dépend qui est fait, là. Je pense que c'est un fan de Pérus. Oui, oui. Puis je veux dire, il y a des jeux de mots qui sont de qualité, comme d'autres qui n'en sont pas. Puis moi, je suis un grand fan de jeux de mots. OK, parfait. Torse. Donc, qu'est-ce que t'en penses de des femmes en Ouganda qui se les lèvent d'en bas, d'entre gens? Oui, oui. Ils s'étirent, fait que les lèvres dépassent le mètre. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, ça me fait rire. Good. Ça me fait vraiment rire. Mais faut voir le contexte, par contre. Ouais, là, il était là, dans l'extrait. Oui, tout à fait. Ça fait. Mais moi, j'adore ça. Good. OK. J'ai vécu un beau moment. Celle que Steph a aimé, c'était de la lavande. mais je sais pas où m'en procurer. Je sais pas où est lavande. Ça, c'est un peu bas de gamme, un peu. C'est bas de gamme. Ça, je dois avouer, effectivement. C'est de base. Moi, j'aime les trucs cheap. C'est ça. C'est cheap. Ben, pas que c'est bas de gamme, c'est de base. De base. Facile à faire, voilà. Mais quand même pas songé, mais. Non, mais c'est qu'en plus, avec l'élève dépasse le maître, c'est un double jeu de mots. Oui, vraiment. Donc. Oui, mais je suis pas en train de comparer la lavande avec celle-là, là, que j'ai tout autant apprécié, sinon plus. OK, là. OK. Parce que c'est un exercice de qualification qu'on fait là. Ben là, excusez. OK, bon, sur 10. La lavande, ouais, peut-être 5, puis l'autre, c'est un 11 sur 10. Là. Mmh. Ouais, les lèvres dépassent la main. Ça se rapproche. Ça dépend du jour où tu fais cette blague-là. Tu sais, mettons, lavandragie. Lavandragie, c'est pas pire. ça marcherait, ça. Ben souvent, c'est dans la période de la vendange. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. As-tu d'autres de même? Pas vraiment. Ben, j'en avais une autre, mais je m'en souviens pas. Moi, j'ai juste aucun talent pour les jeux de mots, donc je préfère ma terre. Ben oui. Profite du moment pendant qu'on a l'avant dans les voiles. Ouais. L'avant dans les voiles. De toute façon, tu peux rester dans ton coin et préparer la vengeance. La vengeance. Oh, bon! Je vais préparer ma vengeance. C'est insupportable. OK. On retourne au palmarès. Ah, en passant, ça, ce qu'on vient d'entendre avant, là, un bout de temps, c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. Oui. Qui a lieu du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est un peu la raison du bloc, hein. Si je ne plug pas l'émission, ça sert à rien, tu sais, hein. Ouais, c'est ça, tu sais. Faut que tu le dises où on peut retrouver ces savoureux jeux de mots. Ouais. C'est ça, c'est du lundi au jeudi. Hein? Ils sont en vrac. Là, c'était un concentré, mais du lundi au jeudi, c'est en vrac, là, tu sais. C'est ça, faut que t'écoutes longtemps, puis à un moment donné, OK. Ah, j'ai compris. Mais connaissant Mathieu, t'écoutes pas si longtemps que ça pour avoir une couple de jeux de mots. L'une ne suit pas l'autre, l'une ne t'attend pas l'autre. Mais là, on avait les meilleurs, là. Il y en a quand même qui sont en dessous de la lavande, là. Je les mets pas dans le montage. C'est ça. Non. Je m'en vante pas, là. Vous allez quand même empoigner une coupe si vous écoutez ça le matin. Faut s'y attendre. Faut se préparer mentalement. Bref, lundi au jeudi, 7h à 9h. Et n'oubliez pas que les meilleurs moments des palmarès, c'est fou aussi, mais une semaine sur deux à Assemblage requis. Et il y en a une qui s'en vient lundi là. Ben oui. C'est vrai, donc ça s'appelle l'Instant Classique édition palmarès. Oh! C'est à Assemblage requis, c'est les lundis matin. Une semaine sur deux, voilà. C'est dit? C'est dit. C'est dit. C'est compris. Oui. À la maison, c'est compris. Prenez des notes.